Chapitre 32e. Malgré le désir qu'il avait d'entendre ce que Lorenzo Beio venait de lui dire, il ne le reçut pas aussitôt. Il y avait toutes sortes d'avantages à lui donner la fièvre par l'impatience de l'attente. Il parlerait avec moins de retenue et se livrerait plus facilement. Il ne fallait pas qu'il pratiquât le système des réticences dans lequel il s'était enfermé si longtemps. Maintenant qu'il était là, il n'y avait pas à craindre qu'il partît. Et le baron sut imposer l'attente à son impatience pour mieux exaspérer celle de Beio. Il se mit à décacheter son courrier, mais sans le lire, classant seulement les lettres devant lui. Lorsqu'il eut formé des liasses assez grosses pour bien montrer qu'il avait été absorbé par le travail, il sonna. On introduisit Beio, grave et solennel. Se levant vivement, le baron alla au-devant de lui et s'excusa de l'avoir fait si longtemps attendre. Des affaires qui ne souffraient aucun retard et qu'il m'a fallu expédier tout de suite. Mais au moins j'ai gagné ainsi la liberté d'être tout à vous. » Et le baron débarrassa lui-même le chanteur de son chapeau. Puis, s'asseyant, il fit un signe pour dire qu'il écoutait avec attention. « Monsieur le baron, » dit Beio, « j'ai tout d'abord des excuses à vous faire pour la façon inconvenante dont j'ai reçu hier la proposition que vous avez bien voulu m'adresser. Ne parlons pas de cela, je vous prie. J'étais en proie à une profonde émotion, à un trouble qui m'avait bouleversé. Je ne me sentais pas maître de moi, et dans une affaire aussi grave, je ne voulais pas céder à un entraînement. « Très bien, » s'écria le baron en frappant plusieurs fois son bureau du plat de sa main. « Vous êtes un homme de raison, monsieur Beio, et j'aime la raison par-dessus tout. Où va-t-on avec l'entraînement ?»« Vous avez bien voulu me proposer votre concours, » continua Beio. « Ce que je vous ai dit hier, je vous le répète aujourd'hui. Je suis à votre disposition. Seulement, permettez-moi, avant d'aller plus loin, de vous adresser de mon côté une demande. C'est de vous expliquer franchement, sans réticence. Assurément, je ne veux pas provoquer vos confidences ni les pousser plus loin qu'il ne vous convient d'aller de votre propre mouvement. Vous me connaissez assez, je pense, pour me juger incapable d'une curiosité mauvaise. Moi, curieux, bon Dieu !» Beio répondit qu'il estimait trop le baron pour avoir une pareille pensée. « Si je vous invite à parler, » continua le baron, « c'est dans votre intérêt, pour qu'il n'y ait pas entre nous de malentendus. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas de ces gens qui comprennent les choses à demi-mot, et qui, sur un signe, devinent ce qu'on ne veut pas dire. Les Français nous accusent, nous autres Allemands, d'avoir l'esprit lourd. Pour moi, cette accusation n'est pas tout à fait fausse. Au moins en ce sens... que rétif à admettre la possibilité de certaines choses, je ne vais jamais par la pensée au-delà de ce qu'on me dit. Avec ces démons de Parisiens, c'est une grande infériorité, j'en conviens. Mais que voulez-vous? Je suis ainsi. Maintenant, je vous écoute. » Beio resta un moment sans prendre la parole, cherchant évidemment par où commencer cet entretien. Enfin, il se décida. Mais ses premiers mots furent prononcés d'une voix si basse que ce fut à peine si le baron les entendit. Hier, vous m'avez fait part de certaines observations et de certaines suppositions s'appliquant à Mademoiselle Belmonte et à moi. Pour répondre à l'appel à la franchise que vous venez de m'adresser, je dois déclarer que ces observations et ces suppositions sont fondées. Le baron fit un mouvement. Au moins jusqu'à un certain point, continua Beio d'une voix plus ferme. Je veux dire qu'en supposant que j'avais pu m'éprendre d'un tendre sentiment pour Mademoiselle Belmonte, vous ne vous êtes pas trompé. J'ai aimé, j'aime en effet Mademoiselle Belmonte, d'une passion profonde, absolue, folle. » Il n'avait pas besoin d'entasser ses qualificatifs les uns sur les autres. À la façon dont il avait dit « J'ai aimé, j'aime Mademoiselle Belmonte », on sentait combien grand était cet amour. Jamais le baron n'avait entendu prononcer ces mots avec un accent si passionné. « Bien, » se dit-il, « si malgré tout le mariage s'accomplit, le colonel ne tardera pas à être veuf. Les Italiens ont du bon. » Beio continua. « Ce qui doit vous faire comprendre comment cet amour s'est développé, c'est cette autre remarque de votre part, qui elle aussi est juste, que Mademoiselle Belmonte se destinait au théâtre. Il est certain que l'amour naît souvent, sans raison, mais enfin, ce n'est point une jeune fille destinée à prendre une haute position. Dans le monde que j'ai aimé, c'est une camarade. Ceci expliquera pour vous comment j'ai pu penser que Mademoiselle Belmonte serai ma femme un jour, et aussi comment, sous l'influence de cette espérance, mon amour s'est développé. N'avait-il pas un but légitime? Sans doute, Mademoiselle Belmonte pouvait arriver sans moi au théâtre. Mais combien je lui rendais la route plus facile! Combien je lui ouvrais de portes! En réalité, elle était mon élève. Pour tout dire, elle est mon ouvrage. Vous connaissez trop les choses du théâtre. Oh, bien peu. Enfin, vous les connaissez assez pour savoir qu'on n'obtient pas de grands succès seulement avec la beauté et des dons heureux. Il faut plus, beaucoup plus. Ce plus, je le donnais à Carmelita. Je la soutenais et elle devenait une grande artiste. Cela valait bien un beau mariage, peut-être. En tout cas, Carmelita le comprit ainsi et je pus croire qu'elle serait ma femme. Pardon, mon cher monsieur, mais je vous ai demandé de préciser autant que possible. Je ne veux pas vous obliger à entrer dans des détails, un mot seul me suffira. Y eut-il engagement formel de la part de Carmelita envers vous? Bayeux hésita un moment, puis il se décida. Il y eut engagement formel entre nous, dit-il d'une voix ferme. Vous devez comprendre alors quelle fut ma stupéfaction en entendant parler de ce mariage. Je ne crus pas à cette nouvelle. Cependant, je courus chez Mademoiselle Belmonte pour avoir une explication avec elle. Je la trouvai seule, et cette explication fut terrible. À mes reproches, elle ne répondit que par un mot. Elle était obligée d'obéir à son oncle. Tout ce que peut inspirer la passion et la fureur, je le lui dis. Elle s'enferma dans cette réponse. Pendant une heure, il me fut impossible d'obtenir d'elle autre chose. Je la quittai fou de colère. Mais prête à sortir, je rentrai, et lui dis que puisqu'elle était insensible à la passion, je n'avais aucun ménagement à garder envers elle et que, n'importe comment, j'empêcherais ce mariage si elle ne le rompait pas elle-même. Puis je la quittai, et depuis ce jour, je ne l'ai pas revue. Toutes mes tentatives pour arriver près d'elle ont été inutiles. On faisait bonne garde. Je lui écris, mais j'ai la certitude que mes lettres ne lui sont pas parvenues. Alors vous avez renoncé à demander l'accomplissement de l'engagement pris par Carmelita? Non, certes. Mais avant d'en venir à l'exécution des moyens désespérés dont je l'ai menacé, j'ai voulu attendre encore et faire une dernière tentative. C'est dans ce but que je viens vous demander votre concours. Que faut-il faire? Je suis à vous. Bayeux tira lentement une lettre de sa poche et il la tint un moment avec embarras dans sa main, avant de pouvoir se décider à répondre. « Je n'ose vraiment, » dit-il enfin. « Vous n'osez me demander de remettre cette lettre à Carmelita ?» dit le baron. Bayeux inclina la tête et avança la main qui tenait la lettre. « Une lettre ?» Le baron eut un frisson de joie. Enfin, il allait avoir cette preuve si longtemps cherchée. Que contenait cette lettre? La preuve, sans aucun doute, que Carmelita ne pouvait pas être la femme du colonel Chamberlain. Il n'y avait donc qu'à la prendre, et au lieu de la remettre à Carmelita, il n'y avait qu'à la remettre au colonel. Rien n'était plus facile, plus simple. Quel triomphe! Cependant, il ne la prit pas. Car au moment d'avancer la main, les paroles de Madame de Lucilière lui revinrent à l'esprit, comme s'il venait de les entendre. « J'ai des raisons pour croire que le colonel se tient en garde contre les lettres. Qu'on lui en apporte une qui compromette Carmelita, il répondra qu'elle est l'œuvre d'un faussaire. » Elle ne parlait pas sans savoir ce qu'elle disait la marquise, et il fallait avoir égard à ses paroles. D'ailleurs, cette lettre n'était pas de Carmelita. Comme le baron demeurait hésitant, Bayeux crut qu'il ne voulait pas se charger de cette lettre. « Vous me refusez ? » dit-il. « Non, certes. Et c'est me faire injure de croire que je puis reprendre ma parole. Je vous ai promis mon concours, je suis à vous. Si vous me voyez hésitant, c'est que je me demande si cette lettre produira l'effet que vous attendez. Si elle rompra ce mariage, je vous rendrai à Carmelita. Écrirez bien, mais parlez est mieux. Et comment voulez-vous que je parle? Où le voulez-vous? Où? Ici. Que diriez-vous si je vous ménageais une entrevue avec Carmelita? Vous feriez cela? Oui. Je le ferai. Ce n'est pas une lettre qui vous rendra celle que vous aimez et qui vous aime. Il faut que vous lui parliez. Il faut qu'elle vous voie, qu'elle vous entende. Que ne peut obtenir la voix de celui qu'on aime? Vous lui parlerez donc ici même. Comment? Je n'en sais rien encore. Mais je trouverai un moyen. Soyez-en certain. Quand je l'aurai trouvé, je vous préviendrai. Jusque-là, tout ce que je vous demande, c'est de vous tenir en paix et de rester à ma disposition. « Ah, monsieur le baron, s'écria Bayot tremblant d'émotion, comment reconnaîtrai-je jamais ce que vous faites pour moi ?» Le baron lui prit les deux mains et les lui serrant affectueusement. « Mon Dieu, mon ami, qu'est-ce que je veux ? Le bonheur de tous, le vôtre, celui de Carmélita et aussi celui de mon brave et cher colonel. Que je vous voie heureux et je serai payé de ma peine. À bientôt. »